Et si tu veux que je te dise que l'amour est ma devise, la vie est si belle, mais bonheur est de mise. Il faudra tout effacer et de tout recommencer. Faisons l'amour et pas la guerre. Y'aura du bonheur sur la terre. Je reviens, je réponds à ta prière. Yallah.